بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, inshallah, comme convenu, سنبدأ في هذه الليلة بدرس جديد وبالله التوفيق. Donc, comme convenu, inshallah, on va commencer en cette nuit un nouveau cours qui porte sur une épître, un court ouvrage qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'écrire lorsque j'étais encore au Yémen. Et c'est un ouvrage que j'ai voulu partager avec vous en l'expliquant. Asa an Allah subhanahu wa ta'ala yamunna alayna wa alaykum bi ziyadati ilmin wa fahmin wa fiqhin fima yata'allaq bis suluk wa minhaj ahli sunnati wal jama'a. Dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent, d'une compréhension, d'une assimilation et d'un suivi en ce qui concerne la voie des pieux prédécesseurs et le cheminement qu'ils ont eux-mêmes emprunté. Donc cet ouvrage, je l'avais intitulé Arba'u Qawa'id fi minhaji ahli sunnati wal jama'a. Quatre règles portant sur la voie des gens, des partisans de la sunna, la tradition prophétique. Na'am. Et donc avant de rentrer dans l'introduction de cette risala, de cet ouvrage, je vais vous lire le préface qu'a rédigé l'un de mes professeurs, l'un de mes mashayikhs, qui n'est autre que le noble savant Cheikh Abdelhamid Al-Hajouri Al-Zu'kari Hafizahullah Wara'ah. قال حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد طالعت رسالة أربع قواعد في منهج أهل السنة والجماعة لأخينا الداعي إلى الله جبريل بن مغيلة الزائري الفرنسي فرأيتها رسالة مفيدة مدعمة بالأدلة مع صغر حجمها فجزاه الله خيرا ونفع به وبها. Donc le cheikh il dit en guise de préface, j'ai certes lu et survolé l'écrit intitulé « Les quatre règles de la voie, portant sur la voie des partisans de la tradition prophétique et du groupe » qu'a écrit notre frère le prédicateur dans le sentier d'Allah, Jibril ibn Mouaïla, le franco-zaïrois. Et j'ai trouvé que cet écrit était très profitable et qu'il était rempli de preuves, bien que court, bien qu'étant un écrit court, on espère que il soit profitable à la fois pour son auteur que pour les gens qui le liront. Et qu'Allah le récompense. Naam. Wa qad raji'a hadhihi ar-risala mashayikh akharun ka Cheikh Jamil As-Sulwi hafizahullah wa Cheikh Abd al-Raqib al-Kawkabani wa Cheikh Tariq al-Khiyat حفظهم الله جميعا ورعاهم الله جميعا. Et d'autres savants parmi mes professeurs ont pu lire cet écrit et le réviser, apporter quelques modifications là où cela était nécessaire. وهذه من باب الأدب فإنه لا ينبغي لطالب علم أن يتقدم بين يدي الناس بمؤلفة إلا بعد مشاورة مشايخه ومراجعتهم له. Et donc ceci fait partie du comportement à avoir et que se doit se doit d'avoir tout étudiant en sciences ce genre de comportement. Car il ne convient pas à un étudiant de se présenter devant les gens avec un quelconque écrit sans qu'au préalable il ait consulté ses professeurs, ses machères et qu'il aura sans que ses machères n'aient pu revoir cet écrit et le réviser. Naam. C'est pourquoi j'ai tenu à vous faire part de ce préface, pour que vous sachiez que ce qui va être lu durant cette série de nouveaux cours est une chose qui... Enfin, ce sont des écrits et des fawaïd, des enseignements qui ont été au préalable lus et révisés par des savants de la Sunna. Naam. طيب. إذن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على عباده الصالحين أن يوفقهم للعلم النافع والعمل به، وأن يوفقهم للقاء العلماء وأهل العلم والذهاب إلى أماكن الخير التي يحيى فيها السنة والتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة Donc fait partie des nombreux bienfaits d'Allah Azza wa Jal et des plus grands bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs vertueux le fait qu'il leur permette d'apprendre la science utile et d'œuvrer en fonction de celle-ci. Et aussi le fait qu'il leur permette de rencontrer les savants et les gens de science, et de se déplacer vers des endroits de bien, des endroits où la tradition du prophète alayhi salatu wassalam est vivante, et des endroits où s'exprime le véritable tawhid, l'unicité, le monothéisme pur, et des endroits dans lesquels règne la croyance authentique. فقد رواه فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هو صلى الله عليه وسلم dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui enseigne la religion. نعم. ولهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Et dans l'autre hadith, le hadith de Moussa, Abi Moussa, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit que la bonne assise, la bonne fréquentation, et en l'occurrence le fait de rencontrer, de s'asseoir avec des savants et des gens de science, c'est ça la bonne fréquentation. Le prophète alayhi salam dit la bonne fréquentation, les bonnes assises sont... la comparaison des bonnes assises de celles qui sont mauvaises, sont comparables à la fréquentation d'un vendeur de parfum et celle d'un forgeron. Donc le vendeur de parfum, si tu le fréquentes, tu trouveras auprès de lui, soit tu achèteras son parfum, ses parfums, les parfums qu'il vend, ou soit, si tu n'achètes pas, tu trouveras de lui une bonne odeur. Tandis que, le forgeron, si tu te rapproches de lui, tu risques de brûler tes vêtements. Tu risques de brûler tes vêtements. Ou si tu ne brûles pas tes vêtements, alors tu seras touché par sa mauvaise odeur. Naam. وقال جل جلاله عن الأرض الطيبة والطيب أهلها أهلها بلدة طيبة ورب غفور. Et dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala évoque les bons endroits, les bonnes contrées, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit un beau pays, بلدة طيبة, un bon pays et un seigneur pardonneur. Et il fait en l'occurrence référence, ce verset fait en l'occurrence référence au royaume de Saba, qui était, comme tout le monde le sait, un des royaumes du Yémen. وكان من أفضل الأماكن لتعلم العلوم الشرعية بشتى أنواعها تلكم القلعة المباركة التي كانت بأرض همدان في اليمن تلكم القرية التي اشتهرت في العالم بأسره المسمى بالدماج. Et fait partie des endroits, des meilleurs endroits qu'il y eut à notre époque pour apprendre la science religieuse, cet endroit qui se trouvait dans la terre de Hamdan, une tribu arabe bien connue, hein, dans la région ou dans le pays du Yémen, ce village dont la renommée a conquis la terre entière, hein, ce village du nom de Dammaj. ومركزها دار الحديث التي أسسها إمام من أئمة الهدى والسنة ومجدد ديار اليمنية الشيخ الفاضل العلامة مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله. Donc, ce village, bien sûr, avec son centre, le centre d'études de ce village, hein, qu'on appelait Dar al-Hadith, la maison du Hadith, hein, ce centre d'études qui a été fondé par un des imams de la Sunna, un des imams bien guidés, le rénovateur de toute la contrée yéménite, le noble savant et Cheikh Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, alayhi rahmatullah, rahmatan wasi'a. Wa khalafahu alayhi Cheikhun al-Mubajjal, al-Fadil, Abu Abdirrahman, Nasih al-Amin, Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahu Allah wa ra'ah. Et a succédé à Cheikh Mokbel, notre cheikh de mérite, le digne de confiance, le conseiller digne de confiance, le noble savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, qu'Allah le protège et l'assiste. ومن فضل الله علي أن وفقني للرحلة إلى هذا العالم المبارك والجلوس بين يديه والاستفادة منه ومن إخوانه المشايخ الفضلاء الذين كانوا متوفرين في تلك القرية العامرة بالخير. Et fait partie des nombreux bienfaits qu'Allah m'a accordé le fait qu'il m'ait permis de voyager vers ce savant, Cheikh Yahya. Le fait qu'il m'ait permis de voyager vers ce savant et de m'asseoir devant lui, de profiter de sa science et de la science de ses co-religionnaires, les machères, les autres savants qui, à l'époque, étaient nombreux dans ce centre d'études. Na'am. فتعلمت منهم أصول المعتقد الصحيح والسلوك على نهج السلف الصالح ولله الحمد والمنة. J'ai donc appris avec eux les bases de la croyance authentique et le cheminement des pieux prédécesseurs. نعم. وهذا يا إخوان من باب الشكر لهؤلاء المشايخ وعلى رؤوسهم شيخنا يحيى et je dis cela vraiment en guise de remerciement pour tous ces machères, tous ces professeurs que j'ai eus, et plus particulièrement pour le plus grand d'entre eux, qui n'est autre que Cheikh Yahya, hafidhahullah, qu'Allah le protège et l'assiste. وهذا الذي ينبغي لأي طالب أن يعرف لشيخه ومعلمه حقه ولا ينسى له فضله. Et en vérité, c'est ce qu'il convient. Il est impératif que n'importe quel étudiant ou étudiante reconnaisse le droit qu'a sur lui son professeur. Le grand droit qu'a sur lui son professeur et qu'il n'oublie jamais le mérite de celui qui lui a enseigné la science religieuse. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Et ceci fait partie des enseignements, des préceptes que nous a enseigné le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Et on a une parole de Shu'ba Abu Bistam Emir Al-Mu'minin, fil hadith, comme il se faisait appeler, on l'appelait Émir Al-Mu'minin, le prince des croyants dans le hadith, dans la science du hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj. Shu'ba fait partie des grands imams, parmi les pieux prédécesseurs des imams dans le hadith. Il avait l'habitude de dire « Kuntu ida sami'tu min al-rajul al-hadith, kuntu lahu abdan ma yahya. » Si j'entendais des hadiths ou un hadith, une parole prophétique ou plusieurs d'un homme, je me considérais comme l'esclave de cet homme tout au long de sa vie. C'est-à-dire par remerciement. Par remerciement envers celui qui lui a transmis la parole prophétique et envers celui qui lui a enseigné un précepte parmi les préceptes islamiques. وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَدْعُوا لِشَيْخِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْ لَهِ فَإِنَّ الْهِدَايَةَ الَّتِي وُفِّقَ لَهَا بِسَبَبِهِ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٍ. Et c'est vraiment ce qu'il convient l'étudiant en sciences qu'il invoque également pour son cher, pour son professeur, tout au long de sa vie. Et qu'il demande pardon pour son cher. Qu'il demande à Allah pardon pour son cher. Car la guidée qu'Allah a accordée à cet étudiant, par la cause de son cher, cette guidée-là n'a pas de prix. Cette guidée-là n'a pas de prix et n'a nul égal, yani min al-umur ad-dunyawiyya. Il n'y a rien dans cette dunya qui peut égaler cette guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cet élève de par la cause de son shir. Arafahu man arafa wa jahilahu man jahila. Et ça, c'est une chose. Que le reconnaissent ceux qui le reconnaissent ou que l'ignorent ceux qui l'ignorent. نعم وإنكار المعروف في هذا الباب يعني مما وقع فيه الكثير ممن طرد من دماج فإنهم أنكروا الفضل لمشايخهم وصاروا يطعنون فيهم بغير حق. Et le fait d'être ingrat envers le bienfait de celui qui t'a enseigné, c'est vraiment l'erreur dans laquelle sont tombés bon nombre de gens qui ont été renvoyés de ce centre d'études de Dammaj. Naam. Ils ont méprisé le mérite et le grand droit qu'avaient sur eux leurs professeurs, et les voilà qui sont partis à parler sur eux sans le moindre droit. Sans les moindres droits. Parce que si tu vois une erreur de ton cher, tu as le droit de le conseiller. Mais eux, non. Ils sont restés à parler ici et là, sans même conseiller, sans même revenir vers leur mâchère avec le plus grand des respects. Là. وكما قيل أحسنت لهم دهرا وأسأت لهم في يوم فنسوا الدهر وتذكروا اليوم. Et comme le dit le proverbe, j'ai excellé envers eux pendant une époque. Et je me suis trompé envers eux un jour. Voilà qu'ils ont oublié l'époque et qu'ils se sont rappelés du jour. Naam. Naam. Wa kadhalika ma sami'tu fi zamanina hadha bi ardin tuhyi sunna fiha wa minhaj as-salaf ka ard al-Yaman. Et aussi à notre époque, j'ai pas entendu une terre ou une contrée où on fait revivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et la voix des pieux prédécesseurs comme la terre et la contrée du Yémen. Wala'alla dhalika min baqaya da'wati al-Mustafa alayhi salatu wassalam kama ja'a 'an ibn 'Umar radiyallahu 'anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Allahumma barik lana fi shamina Allahumma barik lana fi yamanina. فقالوا وفي نجدنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا فقال الناس وفي نجدنا يا رسول الله قال ابن عمر أظن أنه قال في المرة الثالثة الزلازل والفتن هناك وهناك يطلع قرن الشيطان. وهذا حديث في البخاري. ها dans ce hadith le prophète sallam il évoque clairement les bienfaits du Yémen, et c'est peut-être pour cela qu'on trouve encore aujourd'hui sans doute les restes de cette invocation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de bénir la région de la Syrie ainsi que la région du Yémen plusieurs fois. Et certains compagnons ont demandé au prophète qu'il l'invoque aussi pour le Nejd. Le Nejd, c'est la partie est de l'Arabie avec toute la partie de l'Irak, l'Irak actuel. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a refusé de faire dua pour cette partie-là. Il a répété les duas qu'il faisait pour le Yémen et pour la Grande Syrie, tout en refusant de faire dua pour l'Irak. Et il a dit que de cette région, c'est-à-dire la région d'Irak, sortira les secousses et les troubles. Et de là se lèvera la corne du diable. Et fi'lan ya ikhwan, en Irak, l'île Asaf al-Shadid, bien que c'est une terre de mérite, et c'est une terre où il y a eu beaucoup de savants, on constate que c'est de cette terre-là que sont sorties presque toutes les sectes islamiques. Rafida, Shia, wa akharon, yani min haoula. Kharajou min hadha al-makharaj. وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية وفي رواية لمسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية نص حديث لا الأخوة السلام اللي Vous sont venus les gens du Yémen. Ce sont les personnes qui ont le cœur le plus tendre. Ce sont les personnes qui ont les cœurs les plus tendres et les plus doux. C'est-à-dire, c'est pas une marque de faiblesse, comme certains ont pu l'interpréter. Non. Au contraire, c'est un éloge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait pour ce peuple-là en disant que c'est les personnes qui ont les cœurs les plus tendres et les plus doux. Et c'est-à-dire en termes de réceptivité du message divin. Ils sont très réceptifs lorsqu'on leur fait le rappel. Ouais. Ensuite, le prophète s'est dit, la foi est yéménite et la sagesse est yéménite. Et dans une version de Muslim, il rajoute, et la science, le fiqh, est yéménite. C'est pour dire que c'est une... Ce sont des caractéristiques qui se trouvent dans cette terre-là à foison. فَمَا أَحْسَنُ بِيئَةٍ لِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَمِنْهَاجِ السَّلَفِ. Donc il n'y avait pas un meilleur, il n'y a pas un meilleur endroit pour enseigner, pour apprendre la science, la foi, la jurisprudence, le Coran, la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. نعم. وَأَرَدْتُ بِهَذِهِ الرسالة الموجزة تفهيم العوام عموما والبادئ في الطلب خصوصا أصول السلفية بعبارة يسيرة وقواعد مفهومة سهلة. Et donc j'ai voulu par ce cours, cette courte épître, expliquer aux gens de la masse d'une manière générale et plus particulièrement aux débutants en sciences religieuses, expliquer les fondements de la salafia. Les fondements de la salafia avec des mots simples et des règles très faciles à comprendre. لِيَعْلَمُ الْمَرْءُ أَنَّهُ إِذَا طَبَّقَ هَذِهِ الْقَوَاعِدْ كُلَّهَا إِسْتَحَقَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ حقا ويرجى له الخير الذي وعد لأهلها. Et de telle sorte que celui qui pratique toutes ces règles qu'on va voir, ces quatre règles qu'on va voir, celui qui met en pratique ces quatre règles mérite d'être considéré comme un partisan de la tradition prophétique, un partisan de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et de surcroît on espère pour lui le bien qui a été promis aux suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam. Et inshallah, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.